Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack 432.8 call du Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter plusieurs artistes formidables qui chantent merveilleusement bien et qui nous ambiancent pour le dimanche soir. Et je vous propose que l'on commence dès à présent, comme d'habitude, pour une bonne émission d'une demi-heure. C'est parti. Allez, notre premier artiste est Birahim. C'est un chanteur africain qui chante la chanson Nabi. Ouais, le titre de la chanson c'est Nabi. Et là, du coup, je passe une dédicace, tout simplement, à un pote qui s'appelle Nabi, justement. Forcément, on l'appelle Nabi Nabiso. Pour ceux qui connaissent, c'est une chanson congolaise. Et elle déchire, vraiment elle déchire. Nabi Nabiso, Nabi Nabiso. Elle est super bien. Ou alors Nabi le Babu, car il est très barbu. Très classe, vraiment beau gosse, beau gosse. Et du coup, bah, je lui dédicace la chanson qui s'appelle Nabi. Allez, Birahim, c'est tout de suite. Let's go. Talalen, lochoi, gundjiminde, fadarowe, gundjiminde, fadarajinjinle. Thank you. Et bien voilà mes Rasta, c'était Birahim Nabi. Vous avez vu, hein, ça change un peu du reggae. C'est sur un autre rythme de ça, mais c'est vachement bien quoi. Moi je sais que j'adore ça. Sur ce, notre deuxième artiste est, attention, catégorique. Et ouais. Et la chanson est Wild. Et vous allez voir, c'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire une ou deux semaines, je pense, quelque chose comme ça. Et j'aime bien. Et j'aime vraiment, vraiment bien. C'est vraiment super bien. Et j'espère que vous allez adorer aussi. Et c'est tout de suite, let's go. Mais pas pour me garer à la plage, limite sauvage, mais pas taré, associable, parlez-moi la place, parlez mal la cara, non des mèches, mais faut un pito. Catalunya, mi vacuna, salvaje comme un pito. Ils font du rap conformiste, combien de jeunes perdent leur repère. Je nous considère comme actifs et je ferai pas de la merde pour leur plaire. Un pour la paix, deux pour le message, trois pour l'unité. Mais n'espère pas qu'on reste sage face à l'impunité. Arrête de faire le singe, t'es devant Rafiki, tu cherches Hakuna Matata, bah faudra faire des sacrifices. Ratata contre Babylone, pour me défendre, je prends tous les risques. Comme des miens, je suis en route vers Zion avec Kung Fu Beach. Toi, c'est Kunta Kita, Kita, envoyé en kit large. Lance un regard et c'est dead, de louf tellement qu'on ne sait plus qui parle. Team Gat et c'est l'équipage, reste comme tes foulards ou qui pas. J't'en mon oreille, mais man, si t'as rien à dire, s'il te plaît, kick pas. Wild, j'ai sûrement évolué, mais j'n'ai pas changé, non. J't'assure qu'on est wild. Faudra faire avec, pas moyen de t'arranger, non. Oui, ton fils est le même qu'avant, faut pas t'inquiéter, bon maman. J'ai dû faire les choix, mais y'a rien à regretter, bon maman. Wild, t'es éduqué, mais malgré ça, mon est wild. C'est le chemin qui t'est destiné. S'arrêter revient à se faire décimer. On a des plans de vie mais on se souvient plus de les avoir dessinés. Soit on a foi en nous ou pas, en fait faut juste se décider. Tout le monde dort, mais tout le monde est d'or. Valeureux et fort, femme ne fait pas exception, vous avez tort. Puissant mélange entre Athéna et Thor. Fait bousiller vos schémas de pensée, matelés à l'étor. I run shop, the man are not ready. Gunshot, they running already. My aim insane and I see them drop like confetti. Pop, pop, like a corn kernel. Call this the harvest season. I'm bringing you the crop that you need. And you can call me the reason. These clips won't last in spite of widespread treason. I'm bringing you the hope to believe in. My words will cut straight down to the root. That's how I keep it wild from the head down to the root. Wild. J'ai sûrement évolué mais je n'ai pas changé, non. J't'assure qu'on est wild. Faudra faire avec, pas moyen de t'arranger, non. Oui, ton fils est le même qu'avant, faut pas t'inquiéter, bon maman. J'ai dû faire le choix mais y'a rien à regretter, bon maman. Wild, t'es éduqué, mais malgré ça mon est wild. J'ai sûrement évolué mais je n'ai pas changé, non. J't'assure qu'on est wild. Pas moyen de t'arranger, non. Oui, ton fils est le même qu'avant. Faut pas t'inquiéter, bon maman. J'ai dû faire le choix, mais y'a rien à regretter, bon maman. Wild. On a été éduqué, mais malgré ça, mon est wild. Et bien voilà, mes Rasta, c'était catégorique Wild. Allez, notre prochain artiste est un artiste russe. Eh oui. Il se nomme Gulisov. C'est très très chelou, hein, je vous le confirme. Et je vais vous avouer aussi quelque chose, c'est que moi je ne parle pas russe, je ne comprends rien au russe. Mais alors vraiment, que dalle. Que dalle. 0 sur 10 en russe. Du coup, forcément, le titre est en russe. Et du coup, j'ai dû refaire des recherches sur internet pour savoir de quoi parlait cette chanson. Et ben, cette chanson parle tout juste d'amour. On parle pas juste d'amour. Juste ça, l'amour. Le titre est l'amour. Voilà, ça parle d'amour. Mais l'amour russe, c'est bizarre, hein. On va pas se le cacher, c'est bizarre. Mais bon, 4 minutes d'amour russe, bah ça se fait partager. Alors je vais vous partager ça, c'est tout de suite, let's go. Рассветом с балкона. Здравствуй, солнышко, дай пожму тебе луч. Как замечательно, что небо сегодня без туч. Как чудесно, проснувшись утром, радоваться солнышку, как будто в жизни твоей это первый рассвет. Один новый день лучше прожитых лет. Сжимаю в объятиях жаркое лето. Душа наполняется солнечным светом. Вокруг Вавилон, но сердце поет о том, что любовь никогда не умрет. О ней шепчут волны, о ней поют птицы. Она в святой книге на каждой странице. Любовь разорвет на куски Вавилон солнечной львицы. Voilà, les Rasta, c'était Gulisov, l'amour. Allez, notre prochain artiste est Congo Reggae de Kitio. Je ne suis pas sûr de la prononciation, à pas se cacher, je ne suis pas sûr du tout même. Car c'est du reggae congolais. Oh, je ne suis pas congolais, je ne sais pas comment ça se prononce. Non, non, non, je ne sais pas du tout. N'empêche que la chanson se nomme Tikulula. What? The fuck man, what is it? N'empêche que c'est quand même sympathique car on a quand même la traduction et ça veut dire se rabaisser. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi je suis, non, non, pourquoi pas, moi je suis d'accord. Bref, sur ce, c'est tout de suite, let's go. Oja, Rastafari, Tame, Tamambungo, Atate, Ibingula. Yeto yeto tuvilula majela Bien voilà, Merasta, c'était Congo Reggae de Kitio Tikulula. Ah, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est plutôt bien. Allez, notre prochain artiste est un artiste assez bizarre. Ouais, très bizarre même, il a un drôle de style. Hein. Il est coréen et son nom c'est Skull. Et la chanson s'appelle Get Rich. Écoutez, le monsieur est particulier, mais la chanson est pas mal. Et c'est le principal. Donc je veux partager ça avec vous. Donc tout de suite sur Fadjet. Get Rich. Alongside Skull. Yes, I'm a liar. Jamaican, Korean, Reggae. Bill to the Kwan family. Youth. On a limbo. Run. Live clean, get rich. Let me tell you, this don't make nobody stamp your make some not alive. Live clean, get rich. Let me tell you, this every little good you do, you're gonna get a fight. Live clean, get rich. Let me tell you, this people relate to some make some not alive. Tell you this, every little good you do, you're gonna get a fight. Y'all say me a Asian bunny, don't know how me flex. Damn the one, no homie, ready yet, yes. Mana Korea, but my son, no bara, catch me vex. Thanks to the Kalanji Mia, rock is with the best. Me, I will take you everywhere you want, give you everything you need. You can trust me, love, I need endless. Damn team is suck, them not taking trust. Bomb me, they on the road to me, suck. Sense, you just can't get me down, and I'm serious. You've done me so many wrongs, still I'm not grievous. You always trying to mess up the trend, mischievous. People really go all the way to do the evilest. Enemies around me, I got nothing to hide. They go with the tide, because I got Jah on my side. Me no fear, no night, them I could die. I am not charm, machine me trust. Say what, and not that them no one. Live clean, get rich. Let me tell you, this don't make nobody stop you. Make some not alive. Live clean, get rich. Let me tell you this. Je sais pas vous, mais moi je kiffe cette chanson, mes Rasta. Ah, j'adore de fou. Allez, notre prochain artiste est Pandaman. Et ouais. Et c'est du reggae irlandais. Eh ouais, on passe de tout, on passe de tout, on passe de tout. Bah bien sûr. Reggae irlandais. Bah bien sûr. Je pensais pas que ça existait. Vraiment, je pensais pas. Ah, je pensais pas. Surtout que c'est vraiment très particulier, vous allez voir, hein, c'est très particulier. C'est du reggae celtique même. Eh ben, on aura tout entendu, hein. Allez, je vous passe ça maintenant, mes Rasta. Eh bien voilà, mes rasters, c'était Pandaman, reggae celtique. Ouais, je sais pas si, je crois que j'ai oublié de vous préciser, mais c'était de la musique. C'était pas chanté, c'était que de la musique. Mais c'est plutôt pas mal, hein, vraiment, c'est... Ça change du reggae qu'on a l'habitude d'entendre, quoi. Vraiment, ça, ouais, ça change un peu. C'est plus calme, c'est plus... Ouais, ça change. Mais j'aime bien quand même. Ça détend un peu. Bref, notre dernier artiste est un remix en reggae de Lily Wood and Robin Schulz. Vous savez, la chanson Prayer in Sea, qui date de quelques années maintenant, mais qui est super bien. Franchement, même encore maintenant, je l'écoute encore, ouais, sous la douche. C'est fort sympathique. Et du coup, bah, en reggae, bah, elle est vachement bien aussi. Et du coup, bah, c'est parti pour Prayer in Sea en reggae. Voilà, mes rastas, cette émission est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, une bonne semaine à tout le monde. Et à la semaine prochaine sur Fudget, 21h. Salut tout le monde.